tabac, y a un monsieur qui est boucher. Ils vendent des abats, des biftecs et du pâté. En face de chez moi, y a un monsieur qui est boucher. Il a le regard noir, rien à voir avec mes idées. Car mon cœur en pince pour lui, je ne lui ai jamais dit. Il faudrait que je lui rende visite. Un œil sur les boudins, l'autre sur son sourire. J'ai envie de rien, mais je ne peux pas lui dire. Un peu de saucisson, deux tranches de jambon, rien que pour faire du sel. Je lui achèterai de la cervelle, car mon cœur en pince pour lui. Il est tellement mimi. Mais comment lui faire sentir? Alors j'ai eu une petite idée, je lui ai fabriqué un bracelet. Avec des petites saucisses, j'ai dû en mettre 8 ou 10. Le boucher a rougi.